Tout va bien? Il nous a demandé si tout allait bien. 1. Le vin est bon? Il nous a demandé si le vin était bon. 2. Je peux enlever les assiettes? Il nous a demandé s'il pouvait enlever les assiettes. 3. Vous prendrez du fromage? Il nous a demandé si nous prendrions du fromage. 4. Vous avez bien dîné? Il nous a demandé si nous avions bien dîné.